Deuxième partie, chapitre 19 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par saint François de Sales. Deuxième partie, chapitre 19, de la Sainte Communion. Notre Sauveur a laissé à son Église le sacrement de la pénitence ou de la confession pour y purifier en tout temps nos âmes des souillures qu'elles peuvent avoir contractées. Ne souffrez donc jamais, filotée, que votre cœur demeure longtemps infecté du péché, puisque vous avez contre la corruption un remède si sûr et si facile. Une âme qui se sent coupable d'un péché devrait avoir horreur de soi-même, et le respect qu'elle doit aux yeux de la Divine Majesté l'oblige à s'en purifier au plus tôt. Hélas, pourquoi nous laisser mourir de la mort spirituelle ayant entre les mains un remède souverain pour nous guérir? Confessez-vous avec beaucoup d'humilité et de dévotion tous les 8 jours, et même toutes les fois que vous communiez, si vous pouvez. Quoique votre conscience ne vous reproche aucun péché mortel, vous recevrez non seulement l'absolution des péchés véniels que vous confesserez, mais encore beaucoup de lumière pour en avoir un plus grand discernement, beaucoup plus de force pour les éviter, une merveilleuse abondance de grâce pour réparer les pertes qu'ils auraient pu vous causer. De plus, vous y pratiquerez l'humilité, l'obéissance, la simplicité, l'amour de Dieu. En un mot, plus de vertu qu'en aucun autre exercice de la religion. Ayez toujours une vraie douleur des péchés que vous confesserez, pour petits qu'ils soient, et une ferme résolution de vous en corriger. Car il y a bien des gens qui ne se confessent des péchés véniels que par je ne sais quelle habitude qui les accommode, et sans nulle attention à s'en corriger, en demeurent chargés toute leur vie, et se privent de beaucoup de grâces nécessaires à leur avancement spirituel. Si donc vous vous accusez d'un mensonge léger, d'une parole tant soit peu déréglée, de quelques circonstances du jeu un peu vicieuses, ayez-en le repentir nécessaire, avec une bonne résolution de vous observer efficacement sur tout cela. Parce que c'est un abus de se confesser d'un péché mortel ou véniel, sans vouloir en purifier son cœur, puisque la confession n'est instituée que pour cela. Retranchez de vos confessions ces accusations superflues, dont plusieurs se sont faites une routine. Je n'ai pas autant aimé Dieu que je devais, je n'ai pas prié avec autant de dévotion que je devais, je n'ai pas aimé mon prochain comme je devais, je n'ai pas reçu les sacrements avec la révérence que je devais, et autres semblables. Vous en voyez bien la raison. C'est qu'en disant tout cela, vous ne dites rien de particulier qui fasse connaître au confesseur l'état de votre conscience, et que les hommes les plus parfaits du monde pourraient dire les mêmes choses, aussi bien que tous les saints du paradis, si la confession était encore pour eux. Recherchez donc la raison particulière que vous avez de faire ces accusations qui ne sont que générales, et lorsque vous l'aurez reconnue, accusez-vous de votre péché d'une manière simple et naturelle. Par exemple, vous vous accusez de n'avoir pas aimé le prochain comme vous deviez, et c'est peut-être parce qu'ayant bien connu le grand besoin d'un pauvre que vous pouviez aisément secourir et consoler, que vous avez omis ce devoir de charité. Eh bien, accusez-vous de cette particularité, et dites que vous ne l'avez pas secouru comme vous pouviez, ou par négligence, ou par dureté de cœur, ou par mépris. De même, ne vous accusez point de n'avoir point prié Dieu avec toute la dévotion que vous deviez. Mais, laissant cette accusation générale qui ne sert de rien à la confession, dites simplement que vous avez eu des distractions volontaires ou que vous avez négligé de ménager le lieu, le temps, la composition extérieure du corps et les autres circonstances nécessaires pour faire dévotement votre prière. Ne vous contentez pas encore dans l'accusation des péchés véniels de bien marquer le fait. Accusez-vous du motif que vous y avez eu. Ainsi, dites que vous avez fait un mensonge qui n'apportait aucun préjudice à personne. Ce n'est pas assez. Dites que ça a été ou par une vaine gloire, afin de vous louer, ou de vous excuser, ou par une vaine joie, ou par opiniâtreté. Si vous avez péché dans le jeu, expliquez cela, et dites que ça a été ou par le désir du gain, ou pour le plaisir de la conversation, et observez la même chose sur tous les autres péchés. Il faut encore marquer à peu près combien de temps votre péché a duré, puisque pour l'ordinaire, la longueur du temps en augmente notablement la malice. En effet, il y a bien de la différence entre une vanité passagère qui se glisse dans l'esprit pour un quart d'heure, et une vaine complaisance dont le secret orgueil du cœur se sera nourri durant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il faut donc, dans l'accusation d'un péché, en bien marquer le fait, le motif et la durée. Car bien que dans la confession des péchés véniels, on ne soit pas communément obligé à une scrupuleuse exactitude, et que même l'accusation n'en soit pas absolument nécessaire, cependant, ceux qui veulent bien purifier leur âme pour parvenir à la perfection de la dévotion doivent avoir un grand soin de bien faire connaître aux médecins spirituels tout le mal dont ils souhaitent la guérison, quelque petit qu'il leur paraisse. Enfin, ne vous épargnez en rien de tout ce qui sera nécessaire à faire comprendre tout votre péché, et remarquez encore cet exemple. Un homme qui naturellement me déplaît me dira un je ne sais quoi, qu'il ne fera rien, et seulement pour rire. Mais je le prendrai mal, et je me mettrai en colère, au lieu que si un autre qui m'est agréable m'eût dit quelques paroles plus fortes, je l'eusse bien prise. Que faut-il donc que je fasse dans ma confession? Je dirais que je me suis échappé en des paroles d'aigreur pour avoir mal pris ce qu'une personne m'avait dit, non pas par la raison de la qualité des paroles, mais seulement par la raison du dégoût que j'ai de cette personne, et parce que je crois cela fort utile, je particulariserai même ces paroles d'aigreur. C'est de cette sorte que, découvrant au confesseur, non seulement les péchés que l'on a commis, mais les mauvaises inclinations, les habitudes et les autres racines du péché, il connaît mieux le cœur et les remèdes nécessaires à ses infirmités. Il faut néanmoins, autant qu'il est possible, mettre toujours à couvert les personnes qui auraient eu quelque part à votre péché. Prenez garde à beaucoup de péchés qui souvent subsistent et dominent longtemps dans un cœur, sans qu'ils s'en aperçoivent, afin que vous les confessiez et que vous puissiez en purifier le vôtre. Pour cela, lisez avec application les chapitres 6, 27, 28, 29, 35 et 36 de la troisième partie, et le chapitre 7 de la quatrième partie. Ne changez pas aisément de confesseur, et continuez à lui rendre compte de votre conscience au jour marqué, lui disant bonnement et sincèrement toutes vos fautes. De temps en temps, soit de mois en mois, soit de 2 mois en 2 mois, faites-lui connaître l'état de vos inclinations, quoiqu'elles ne vous aient pas fait tomber en aucun péché. Comme si l'esprit de tristesse ou de chagrin vous tourmente, ou si votre cœur est enclin à la joie, ou si vous avez senti quelque désir trop vif d'avoir plus de bien, et le reste. Fin du chapitre 19, deuxième partie.